3 ans avant la conversation qui venait d'avoir lieu, Hortense reconnut son père aux variétés dans une loge d'avant-scène du rez-de-chaussée en compagnie de Jenny Cadine et s'écria « Voilà papa !»« Tu te trompes, mon ange, il est chez le maréchal !» répondit la baronne. La baronne avait bien vu Jenny Cadine, mais au lieu d'éprouver un serrement au cœur en la voyant si jolie, elle se dit en elle-même « Ce mauvais sujet d'Hector doit être bien heureux. » Elle souffrait néanmoins, elle s'abandonnait secrètement à des rages affreuses, mais en revoyant son Hector, elle revoyait toujours ses 12 années de bonheur pur et perdait la force d'articuler une seule plainte. Elle aurait bien voulu que le baron la prît pour sa confidente, mais elle n'avait jamais osé lui donner à entendre qu'elle connaissait ses fredaines par respect pour lui. Ces excès de délicatesse ne se rencontrent que chez ces belles filles du peuple qui savent recevoir des coups sans en rendre. Elles ont dans leurs veines les restes du sang des premiers martyrs. Les filles bien nées, étant les égales de leurs maris, éprouvent le besoin de les tourmenter et de marquer, comme on marque les poings au billard, leur tolérance par des mots piquants, dans un esprit de vengeance diabolique, et pour s'assurer soit une supériorité, soit un droit de revanche.